Chapitre 18 Des Essais de Montaigne Livre 1 Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J.C. Gouane. Essais par Michel Ekem de Montaigne Livre 1 Chapitre 18 Qu'il ne faut juger de notre heure qu'après la mort. Silicet ultima semper. Expectanda dies homini est, desique beatus, ante obitum nemo, supremaque funera debet. Les enfants savent le compte du roi Crésus à ce propos, lequel, ayant été pris par Cyrus et condamné à la mort sur le point de l'exécution, il s'écria « Ô Solon, Solon !» Cela, rapporté à Cyrus, et s'étant enquis que c'était à dire, il lui fit entendre qu'il vérifiait l'heure à ses dépens l'avertissement qu'autrefois lui avait donné Solon, que les hommes, quelque beau visage que fortune leur fasse, ne se peuvent appeler heureux jusqu'à ce qu'on leur ait vu passer le dernier jour de leur vie, pour l'incertitude et variété des choses humaines, qui, d'un bien léger mouvement, se changent d'un état en un autre, tout divers. Et pourtant, à Gécilos, à quelqu'un qui disait heureux le roi de Perse, de ce qu'il était venu fort jeune à un si puissant état. « Oui, mais, dit-il, Priam, en tel âge, ne fut pas malheureux. » Tantôt, des rois de Macédoine, successeurs de ce grand Alexandre, s'en fait des menuisiers et greffiers à Rome, des tyrans de Sicile, des pédants à Corinthe, d'un conquérant de la moitié du monde, et empereur de tant d'armées, il s'en fait un misérable suppliant des bolitres officiers d'un roi d'Égypte. Tant coûta à ce grand Pompéius la prolongation de 5 ou 6 mois de vie. Et du temps de nos pères, ce Ludovic Sforzé, 10e duc de Milan, sous qui avait si longtemps branlé toute l'Italie, on l'a vu mourir prisonnier à Loche, après y avoir vécu 10 ans, qui est le pis de son marché. La plus belle reine, veuve du plus grand roi de la chrétienté, vient-elle pas de mourir par la main d'un bourreau? Indigne et barbare cruauté. Et mille tels exemples, car il semble que, comme les orages et les tempêtes se piquent contre l'orgueil et hautaineté de nos bâtiments, il y ait aussi là-haut des esprits envieux des grandeurs de Saba. Usque adeo res humana vis abdita quaedam, opterit et pulcros faces, sevasque secures, proculcare ac ludibrio sibi abere videtur. Et semble que la fortune, quelquefois, guette à point nommé le dernier jour de notre vie, pour montrer sa puissance, de renverser en un moment ce qu'elle avait bâti en longues années, et nous fait crier après Laberius, « Nimirum ac die una plus vixi, mihi quam viventum fuit. » Ainsi se peut prendre avec raison ce bon avis de Solon, mais d'autant que c'est un philosophe, à l'endroit desquels les faveurs et disgrâces de la fortune ne tiennent rang. Ni d'heure ni de malheur, et sont les grandeurs et puissances, accidents de qualité à peu près indifférentes, je trouve vraisemblable qu'il ait regardé plus avant, et voulu dire que ce même bonheur de notre vie, qui dépend de la tranquillité et contentement d'un esprit bien né, et de la résolution et assurance d'une âme réglée, ne se doivent jamais attribuer à l'homme, qu'on ne lui ait vu jouer le dernier acte de sa comédie, et sans doute le plus difficile. En tout le reste, il peut y avoir du masque, ou ces beaux discours de la philosophie ne sont en nous que par contenance, ou les accidents, ne nous essayant pas jusqu'au vif, nous donnent loisir de maintenir toujours notre visage rassis. Mais à ce dernier rôle de la mort et de nous, il y a plus que feindre. Il faut parler français, il faut montrer ce qu'il y a de bon et de net dans le fond du pot. Nam verae voces, tum demum pectore abimo, egisiuntur et eripitur persona manet res. Voilà pourquoi se doivent à ce dernier trait toucher et éprouver toutes les autres actions de notre vie. C'est le maître jour, c'est le jour juge de tous les autres, c'est le jour, dit un ancien, qui doit juger de toutes mes années passées. Je remets à la mort l'essai du fruit de mes études. Nous verrons là si mes discours me partent de la bouche ou du cœur. J'ai vu plusieurs donner par leur mort réputation en bien ou en mal à toute leur vie. Scipion, beau-père de Pompéius, rabilla en bien mourant la mauvaise opinion qu'on avait eue de lui jusqu'alors. Épaminondas, interrogé, lequel des trois il estimait le plus, ou Chabrias, ou Iphicrate, ou soi-même. « Il nous faut voir mourir, dit-il, avant que d'en pouvoir résoudre. » De vrai, on dérobait beaucoup à celui-là, qui le poserait sans l'honneur et grandeur de sa fin. Dieu l'a voulu comme il lui a plu. Mais en montant, trois les plus exécrables personnes que je connusse en toute abomination de vie, et les plus infâmes, ont eu des morts réglées, et en toutes circonstances composées jusqu'à la perfection. Il est des morts braves et fortunés. Je lui ai vu trancher le fil d'un progrès de merveilleux avancement, et dans la fleur de son croix, à quelqu'un d'une fin si pompeuse, qu'à mon avis ses ambitieux et courageux desseins n'avaient rien de si haut que fut leur interruption. Il arriva sans y aller, où il prétendait, plus grandement et glorieusement, que ne portait son désir et espérance, et devança par sa chute le pouvoir et le nom, où il aspirait par sa course. Au jugement de la vie d'autrui, je regarde toujours comment s'en est porté le bout, et des principaux études de la mienne, c'est qu'il se porte bien, c'est-à-dire quiètement et sourdement. Fin du chapitre 18.